Chapitre 10e. Un remords. Quelques jours après cette scène, Armand envoyait à Chazelle une lettre datée de Londres où il s'excusait de n'avoir pu serrer la main à ses amis avant son départ définitif. Remettre les pieds dans le petit hôtel de la rue de la Rochefoucauld, revoir les deux êtres dont il avait brisé la vie sans que ni l'un ni l'autre eussent trouvé pour lui autre chose que des paroles de confiance ou de pardon, assister de nouveau à ses agonies morales dont chaque soupir lui retentissait jusqu'au fond de l'âme d'une manière intolérable, cet effort avait été au-dessus de son énergie actuelle. Il s'était dit, en pensant d'une part aux mélancolies probables d'Alfred, à Hélène de l'autre et à la vie qu'elle allait mener, dans cette banqueroute de toutes les pudeurs et de tous les sentiments, « Cela est horrible, mais je n'y peux rien, il faut oublier. » Et pour mettre des petits faits entre son chagrin et lui, suivant une de ses maximes favorites, il avait hâté son voyage en Angleterre. Durant les années de sa jeunesse, cruellement désœuvré et vide, il avait de son mieux trompé l'ennui par un vagabondage cosmopolite. Il s'était fait ainsi à travers l'Europe 3 ou 4 centres de société, à Londres surtout. Il avait une vie toute préparée. Un appartement de Bolton Street à côté de Piccadilly, 2 clubs où trouver l'hospitalité, 20 maisons où être reçu comme un ami. Mais cette année-là, quand il se fut installé comme d'habitude dans les 3 chambres meublées qui lui étaient réservées, il se sentit incapable de s'engager tout de suite parmi le tourbillon du monde. Il se dit « Je porterai mes cartes dans quelques jours ». Les quelques jours se passèrent et sa répugnance fut la même à revoir des personnes connues. Il laissa une semaine s'écouler ainsi, 2 semaines, 3 semaines, et il continuait d'éprouver une invincible aversion pour toute causerie et pour toute réunion, pour toute chose et pour tout être. Il en vint à ne se promener que le soir, afin d'éviter plus sûrement la face humaine. S'il sortait en plein jour, c'était pour prendre une de ces voitures à 2 roues dont le cocher est juché haut par derrière et dont le cheval trotte si vite. Sans but, indéfiniment, il se faisait conduire à travers les interminables rues de l'énorme ville. Les petites maisons noires succédaient aux petites maisons noires. De loin en loin s'ouvraient des squares avec une grille et des arbres pauvres, une place avec quelques statues aux teintes salies, un parc démesuré avec des gazons broutés par des troupeaux. Sur la monstrueuse fourmilière s'étendait la voûte d'un ciel de suie. Quelquefois, un brouillard jaune noyait tout ce ciel. D'autres fois, la brume crevait en une pluie battante, ou bien c'était un vague et froid azur où semblait flotter de la poussière de charbon. Un peuple se pressait dans ses rues, mais Armand ne reconnaissait pas un visage, et il allait ainsi des heures entières, seul avec sa pensée, comme il se réveillait, comme il s'habillait, comme il mangeait, avec cette pensée toujours présente et toujours pareille à elle-même. Que lui montrait-elle donc cette torturante et fixe pensée? Sans cesse et sans cesse Hélène, et la confession affreuse de leur dernière entrevue se représentait en tous ses détails, et il voyait l'action qu'elle avait avouée en des termes si implacablement précis et nets. Elle s'évoquait devant lui, entre les bras de Varad, car il se disait qu'après cette première crise de désespoir, elle y serait retombée. Et la vision lui infligeait un sentiment qu'il comparait de nouveau à un poids sur son cœur qui l'écrasait de tristesse. Ce morne poids s'y était abattu, le jour où elle s'était lamentée si tragiquement dans le salon de la rue Lincoln. Et comme alors il éprouvait une oppression intolérable à se savoir la cause de la misère de cette femme. Sans doute, après cette intrigue avec Varad, elle en aurait d'autres. Est-ce qu'on s'arrête jamais sur cette pente glissante qui va du second amour au 10e, quand on a perdu l'habitude et la force de s'honorer soi-même, principe unique de toute dignité? Quelle digue opposée au flot envahissant des tentations et des curiosités. Hélène était belle, on la courtiserait. Ses chutes successives s'accomplissaient là, sous ses yeux, par avance, et il ne pouvait rien pour les empêcher, et c'était lui, comme elle l'avait crié à travers ses larmes, lui qui l'avait perdue. Devant l'image de la vie de cette femme, il se trouvait placé comme devant un être auquel il aurait de ses mains versé du poison. La mortelle décomposition de la face, la froide sueur, les effrayantes convulsions, comment les empêcher, lorsque la funeste drogue roule dans le sang, ce venin de l'adultère, dont il avait infecté cette créature, accomplirait son œuvre de destruction. Quelle excuse avait-il d'avoir fait cela? Aucune, puisqu'il l'avait prise sans l'aimer. Oui, si seulement il l'avait aimée, s'il lui avait rendu un peu de bonheur en échange du don de sa personne. Mais à l'abaissement inévitable de la faute, il avait joint cet autre principe d'abaissement, la plus cruelle des illusions. D'une enfant riche d'espérance, égarée par une recherche généreuse de ce qu'il y a de plus haut dans le sentiment, qu'avait-il fait? Une désabusée en quête d'oubli. Commencerait-elle dans une année, et puis dans une autre année? Il se répétait la phrase célèbre « All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. » Tous les parfums de l'Arabie ne laveront pas cette petite main. Et il pliait sous le poids du remords, si lourd, ah, si cruellement lourd, qu'il ne pouvait plus rien éprouver que cet accablant, ce continu écrasement sous l'idée de l'action commise. L'absurde machine que l'homme, songeait-il, et la méprisable faiblesse que cette angoisse. Pour que ce remords fût justifié, il faudrait que je fusse coupable, c'est-à-dire responsable et libre. Est-ce que la liberté n'est pas un vain mot, et par suite le bien et le mal, la vertu et le vice? Il avait, dans sa jeunesse, beaucoup pensé à ces questions et admis comme exactes les principaux arguments modernes contre le libre arbitre. Il s'étudiait à détruire, en appliquant ses arguments à lui-même, le malaise moral dont il était atteint. « Qui suis-je ? » reprenait-il. « Le produit d'une certaine hérédité, placée dans de certains milieux. Les circonstances, une fois données, je devais sentir comme j'ai senti, penser comme j'ai pensé, vouloir comme j'ai voulu. » Et il décomposait sa propre personne en ces éléments, ainsi que cela lui était arrivé trop souvent dans ses périodes d'amlétisme, comme il appelait ses crises de paralysie intime à force d'analyse. Il reconnaissait dans l'absence de la vie de famille l'origine première de son égoïsme. Il se rendait compte que le collège avait sali trop tôt son imagination, la vue des tueries de la guerre civile éveillait trop tôt sa misanthropie. Il se voyait perdant sa foi religieuse par de précoces lectures, se désintéressant de toute ambition faute d'une cause à laquelle il crut, et parce qu'il était assez riche pour vivre hors de métier. Puis il regardait se dérouler la longue, l'inutile et fatale série de ses expériences amoureuses jusqu'à l'heure où il avait rencontré Madame Chazelle. « Comment l'aurais-je jugée autrement que je l'ai jugée ? » continua-t-il. « Elle s'est quasi jetée à ma tête. Pouvais-je comprendre que c'était la folie d'une nature romanesque, déraisonnable mais sincère ? J'ai cru qu'elle était une femme comme les autres. Je l'ai cru et je devais le croire. » Il s'enfonçait ce mot de nécessité « je devais » dans le cœur, comme un levier avec lequel il soulèverait le poids de son remords. Et le poids était là, toujours. Il avait beau lutter. Quelque chose en lui de plus fort que lui-même le contraignait à se considérer comme l'auteur de la perte de cette femme. Il s'évertuait alors à inventer un autre procédé d'allégement. Il revenait en imagination vers toutes les étapes de leur commune aventure. Et sur ce chemin de perdition, il allait, recherchant les carrefours, les moments où il aurait pu s'engager et l'engager sur une autre route. Durant les premières semaines du séjour des Chazelle à Paris, pourquoi, se promenant avec Hélène, avait-il eu soin de se donner auprès d'elle une attitude sentimentale? Afin de parler à sa rêverie et de l'induire en curiosité, aurait-il pu s'en empêcher? Non, répondait-il avec colère. « La séduction est dans ma nature, comme la chasse dans la nature du lévrier. » Un instant était venu où il avait constaté qu'Hélène commençait à l'aimer. Aurait-il pu s'effacer de sa vie alors? Oui, s'il avait cru être son premier amour. Mais est-ce qu'on s'ordonne de croire ceci ou cela, de penser d'une manière ou bien d'une autre? Que n'eût-il pas donné aujourd'hui pour juger Hélène comme il faisait alors? Et cela était impossible, comme il avait été impossible qu'il la jugeât durant cette période, comme aujourd'hui. La veille de leur premier rendez-vous, il se revoyait, hésitant, sur le point de lui écrire une lettre de vérité, afin de rompre avant la minute irréparable. Mais pouvait-il empêcher que telle ou telle image ne vînt assiéger sa pensée et retenir sa plume? Pendant les quelques mois de leur liaison, il ne l'avait pas aimée, et par sa sécheresse, il l'avait martyrisée. Est-ce que l'émotion se commande? Et la tendresse, s'il avait rompu avec elle brutalement, c'était là encore un effet de la puissance des images sur la volonté humaine. La vision du chagrin de son ami avait été plus forte en lui que la vision du chagrin de sa maîtresse. Il saisissait, comme à la loupe, le mécanisme intérieur dont ses actes avaient été le signe visible, l'aboutissement dernier. Il s'abîmait dans cette contemplation minutieuse de son passé. N'importe, le poids de son remords était toujours là. Il parvenait à convaincre son esprit, et cette conviction ne soulageait pas son cœur. C'était sa conscience, comme le dit le langage vulgaire, qui le suppliciait. Mais la conscience, qu'est-ce d'autre qu'une illusion ? Une pierre lancée qui se sentirait rouler sans même savoir qu'une main l'a lancée se croirait, elle aussi, la cause de son mouvement. Sa conscience lui reprocherait l'écrasement des brins d'herbe sur son passage. Le remords naîtrait en elle. « Si j'avais un fantôme devant les yeux, parçu d'une hallucination, » conclut Armand, « en prendrais-je la foi au revenant ? » ?»« Je me dirais que je vois un fantôme, une forme vaine, que l'état de mes organes m'inflige cette obsession, et ce serait tout. Souffrons de notre fantôme s'il le faut, mais n'y croyons pas. » Soit le bien, le mal, le remords, la conscience, la liberté, autant d'apparences sans réalité, d'ombres sans corps. Mais une réalité indiscutable, c'était la perte d'une âme, et qu'une redoutable destinée eût fait de lui l'instrument de cette perte. Une âme perdue. Il y a donc une vie et une mort des âmes, quelque chose qui les nourrit, et quelque chose qui les détruit, comme une damnation et comme un salut spirituel. Il pensait alors à l'âme d'Hélène avant ce désastre final, et tous les épisodes de leur commun passé, lui revenant à la fois, il les interprétait et les comprenait. Maintenant qu'il savait la vérité sur elle, et combien il l'avait mal jugée, les moindres faits de ce passé revêtaient une signification inattendue. Les passages de silence de sa triste amie, ses mélancolies, ses effusions, se représentaient à lui tour à tour, et chaque souvenir lui révélait à la fois et sa propre ingratitude et la force du sentiment qui l'avait inspiré. Que cette âme de femme était vivante alors, qu'elle était noble même dans la faute, quelle richesse dans cette sensibilité, quelle plénitude dans ses émotions, quelle profondeur dans ce chagrin, et quel magnifique élan vers un inaccessible bonheur. Et aujourd'hui, sur cette même âme, quelle souillure ineffaçable. Ses réflexions se portaient sur Alfred. Il se rappelait son dernier entretien avec cet homme indignement trompé. Celui-là aussi possédait une âme vivante, d'où jaillissaient comme des sources bienfaisantes la tendresse et la loyauté, toutes les puissances de croire et d'aimer. Armand ramenait alors sa pensée sur lui-même. « Ah, c'est moi, » disait-il, « moi, dont l'âme est morte. » Il remontait le cours de sa jeunesse. Il se voyait jeune et incapable de dévouer son activité à une foi idéale, libertin et incapable de fixer son cœur dans un sentiment, impuissant, lui, à se donner à croire, à aimer. Il repassait la liste fatale que sa vanité de séducteur avait dressée, au moins autant que sa curiosité de débauché. Il recherchait le nom et le visage des femmes qui s'étaient données à lui, depuis celles qui lui avaient appartenu dans ses chambres infâmes, où les glaces de l'alcôve et du plafond multiplient la blancheur des nudités, jusqu'à celles qu'il avait possédées pudiquement et qui réclamaient autour des caresses l'ombre des rideaux baissés. Qu'avait-il fait des unes et des autres, des passionnés et des vénales, des romanesques et des dépravés, d'Aline et de Juliette, de Madame de Rugle et d'Hélène, des instruments de sensation et rien de plus. Se souvenait-il d'une seule à laquelle il eût été bon, secourable, et qui valut mieux après l'avoir connue ? Aux prostituées, il avait fait commettre un acte de prostitution entre mille autres. Les adultères avaient menti une fois encore à cause de lui. Son âme n'était pas seulement morte, elle avait répandu autour d'elle la contagion de sa mort intime. Avec son intelligence aiguë, avec son imagination rare, avec tous les outils de supériorité que la fortune lui avait mis aux mains, quelle besogne accomplissait-il depuis sa jeunesse? Et tout cela pour finir par l'assassinat moral d'une femme qui avait cru en lui. Le poids augmentait de lourdeur alors, et il se débattait de nouveau. La vie et la mort de l'âme, des mots, des mots. Une légère altération cérébrale, et l'âme est changée. Au microscope, on découvrirait la petite disposition de cellule qui veut que je n'ai jamais aimé. Mais pourquoi, ajouta-t-il, cette âme vit-elle par certaines idées et meurt-elle par d'autres? Pourquoi? Je n'en sais rien. Il y a tant d'autres choses que je ne sais pas. Je parle du cerveau. Qu'est-ce que le cerveau? C'est de la matière. Et qu'est-ce que la matière? On ne connaît rien, on ne comprend rien. À quoi bon demander pourquoi ceci et pourquoi cela? Il n'y a qu'une seule question, pourquoi tout? Et la seule chose que nous sachons véritablement, c'est que nous ne saurons jamais la réponse à cette question-là. Il apercevait le gouffre de mystère, l'abîme d'inconnaissable que la science constate à la base de toute pensée et de toute existence. Par-dessous le problème de sa destinée particulière, il touchait au problème de toute destinée, et sa douleur morale était si intense qu'il éprouvait la tentation d'interpréter dans un sens consolateur ce mystère où il se sentait noyé. Pourquoi le mot de cette énigme de la vie, indéchiffrable par la raison, de l'aveu même de cette raison, ne serait-il pas un mot sauveur, un mot qui réparerait l'universelle détresse d'ici-bas, qui rendrait la vie aux âmes mortes, comme son âme, la paix profonde aux consciences bourrelées, comme sa conscience? Pourquoi n'y aurait-il pas un cœur pareil à notre cœur et capable de nous plaindre au centre de cette nature, qui nous a produit cependant, nous, avec notre façon amère ou tendre de sentir, nous, avec notre appétit idéal et nos défaillances, avec notre grandeur et notre bassesse? Mais alors, songeait-il, Dieu existerait. Je pourrais me jeter à genoux à cette heure où je souffre et dire « Notre Père qui es aux cieux, notre Père !» Quand le jeune homme en arrivait à ce point de son raisonnement, les larmes lui montaient aux yeux, lui qui n'avait connu ni son père ni sa mère. Cette seule phrase de la sublime oraison lui causait une émotion inexprimable. Puis, il se raidissait aussitôt. Des idées lui venaient, plus fortes que cette mystique effusion. Il discutait contre son cœur avec son esprit, et son esprit l'emportait toujours. Les objections contre Dieu, tirées de l'existence du mal, prenaient corps devant lui. Comment concilier une bonté de père avec cette loi de réversibilité qui veut que les fautes des uns retombent sans cesse sur les autres? Entre Hélène et lui, lequel était coupable? Lui. Lequel des deux avait commis un crime d'amour? Lui, en séduisant cette femme, sans l'aimer, uniquement pour satisfaire un caprice d'orgueil, d'ennui et de sensualité. Qui était puni? Hélène. Entre cette dernière et Alfred, qui était coupable? Hélène. Qui souffrait? Alfred. Ainsi, le péché de chacun, s'il y a péché, porte son fruit empoisonné dans l'âme d'un autre, et la même solidarité gouverne tous les rapports des hommes entre eux. Les fils expient pour les pères, les justes pour les méchants, les innocents pour les coupables. Ah, comment croire, en présence de cette transmission ininterrompue de misère, à l'existence d'un principe de justice et de bonté dans cet obscur au-delà des jours? Non. Se disait Armand. De même que les fautes sont produites par les nécessités combinées des circonstances et des tempéraments, les conséquences des actes sont distribuées au hasard, du moins ici-bas. L'effusion mystique reprenait alors. Ici-bas? Y aurait-il donc un autre monde dont celui-ci ne serait que la figure ou la préparation? Mais comment aucun lien entre celui-ci et l'autre? Comment aucun secours aux heures de détresse? Ah, s'il était un Père céleste, toute souffrance ne serait-elle pas pour lui une prière? À travers le tumulte de tant d'idées contradictoires, cet homme malheureux apercevait le grand, l'unique problème de la vie humaine, et que la religion seule résout, celui de savoir s'il y a par-delà nos jours bornés, nos sensations courtes, nos actions passagères, quelque chose qui ne passe pas, et qui puisse contenter notre faim et notre soif d'infini. Armand devait peut-être redevenir religieux un jour. À l'heure présente, il ne l'était pas, et il se répondait à lui-même. S'il n'y a rien, pourquoi ces affreux remords? S'il y a quelque chose, pourquoi ne puis-je ni le concevoir avec mon esprit, ni le ressentir avec mon cœur? Comment finir cette intolérable angoisse? Comment soulever ce poids dont j'étouffe? Les faits principaux de ces mortes journées furent quelques lettres d'Alfred, toutes remplies d'affection et de plaintes sur la santé de sa femme, la tristesse de son intérieur, les inquiétudes de l'avenir. Ainsi, Hélène continuait d'être malheureuse. « Ah ! » songeait Armand, « il est possible que ces mots, le bien et le mal, l'âme et Dieu, n'aient aucune espèce de sens. Voilà des milliers d'années que les philosophes disputent à leur sujet sans conclure, que les religions se succèdent et s'écroulent. J'ai mesuré l'impuissance de la raison et je n'ai pas la foi. Mais il n'y a besoin ni de raison ni de foi pour savoir qu'il existe de la misère humaine et que nous devons tout faire pour n'être pas la cause de cette misère. Que nous devons, comme si nous étions libres, mais libres ou non, laissons-nous aller à sentir cette misère et à la plaindre. Quand le jeune homme s'engageait sur ce chemin nouveau de la pitié, il éprouvait non pas un soulagement absolu de son remords, mais une sorte de tendresse désespérée qui lui humectait enfin le cœur. Il se représentait Hélène dans son passé, telle que ses confidences le lui avaient révélée, toute petite fille, et il la plaignait de sa triste enfance et de sa jeunesse opprimée. Il la plaignait de son mariage et du divorce moral qui l'avait séparé d'Alfred. Il la plaignait de l'avoir connu lui, Armand, des paroles qu'il lui avait dites et auxquelles elle avait cru, des baisers qu'il lui avait demandés et qu'elle lui avait donnés. Mais de cette seconde chute surtout, de cette frénésie qu'il avait jetée au bras de Barade, il la plaignait, passionnément, et de toutes les fautes auxquelles cette première faute l'entraînerait. Il la plaignait d'être née, de respirer, de subir une inéluctable fatalité. Il la sentait vivante maintenant, plus qu'au jour où il l'avait à lui perdu d'émotion sur sa poitrine. Par une sorte d'étrange transposition d'âme, il souffrait les douleurs de la maîtresse dont il n'avait pu partager les joies. Il habitait en pensée ce cœur malade, et l'impression de pitié devenait si forte, si pleine, qu'elle débordait de lui sur toute la vie. Le soir, lorsqu'il se promenait à pied le long des rues et qu'il arrivait au sinistre carrefour de Haymarket et de Regent Street, la vue des filles des divers pays qui erraient là par tous les temps le remuait jusqu'au fond de l'âme. Elles marchaient dans leurs toilettes sombres et interpellaient les passants en toute espèce d'idiome. Il y avait là de grandes et lourdes Allemandes, de fines françaises et des anglaises reconnaissables à leur visage restaient souvent candides. La plupart étaient vieilles, avec des lueurs féroces dans leur regard. Quelles lamentables aventures, criminelles peut-être, avaient jeté ces étrangères loin de leur patrie, sous un ciel toujours brouillé, sur le pavé de ces rues implacablement traversées par l'affairement du négoce. Et les jeunes, au profil d'ange, car il y en avait ainsi, quelle mélancolie de les voir qui poussaient la porte des marchands de liqueurs et buvaient d'un trait de grands verres d'eau-de-vie. Elles sortaient, avec un peu de rose aux pommettes, et recommençaient leur pèlerinage d'infamie, réchauffées par cette gorgée d'alcool contre le rude climat, les ondées subites, l'âcre brouillard. Armand les regardait aller, venir, aborder celui-ci, injurier celle-là, causer entre elles, et c'était tout un peuple de ces damnés qui se pressaient dans ces rues. Oui, des damnés, car rien ne les sauverait, non plus que les prostituées du luxe, qui vont à la chasse de l'homme avec des diamants et des chevaux, non plus que les adultères, perdus par la recherche, toujours déçus des sensations nouvelles. Rien ne les sauverait, car il n'y a rien qui sauve. Cependant, il arrivait au jeune homme de passer devant des temples et de se souvenir que des milliers de créatures croient un sauveur. « Mais si je n'y crois pas, se demandait-il, est-ce ma faute ? » Le vrai sauveur serait celui qui sauverait même les incrédules, même les renégats, même les révoltés, même ceux qui ne se repentent pas, puisque ce sont les plus à plaindre. Non, il n'y a pas de rédemption, et le Christ est mort vainement. Il apercevait alors la vie comme l'œuvre d'une nécessité aveugle et destructrice, d'une force mauvaise qui pousse les êtres à se perdre les uns les autres. La prostitution en bas, l'adultère en haut, voilà ce qu'a produit le plus noble des sentiments humains, l'amour. La civilisation lui apparaissait comme une immense orgie, où les mets sont plus nombreux, les vins plus chauds, les convives en plus grande foule. Mais le pain du rachat, sur quel plat mystique le trouveront les affamés de pardon? Cependant, l'orgie ronfle et gronde, les femmes offrent le fruit de leur bouche rouge. Un hymne colossal d'allégresse enveloppe les enivrements. De seconde en seconde, un des assistants roule sous la table, foudroyé par la mort qui prend ses victimes au hasard. Il est remplacé par un autre, et si vite qu'on ne remarque même pas cette disparition. Et c'est la joie qui passe sur tous ses fronts, qui rit dans tous ses yeux. La joie, pourvu qu'on ne pense pas à sa propre détresse. Et encore, avec du courage, on supporte ses misères, à soi. Mais la misère d'un autre, où trouver le courage de la supporter quand on l'a soi-même causée? Et subitement, les visions s'effaçaient, et les théories, et les rêveries, pour laisser la place à la seule image d'Hélène agonisante ou bien d'Hélène dépravée, et de ces deux images, Arnaud n'aurait su dire laquelle torturait le plus sa pensée. Est-ce que je l'aimerais ? Se demandait-il un matin en se levant. Est-ce que je prends pour du remords ? Serait-il simplement de l'amour ? Il lui fut impossible de répondre à cette question. Quand on aime, on conçoit le bonheur par la femme qu'on aime. Et comment imaginer une seule minute de bonheur par Hélène maintenant ? Il pouvait revenir à Paris, tenter de renouer avec elle, l'enlever, l'emmener dans un pays où tout serait étranger, où ils oublieraient. Il sentait que les pires folies commises pour elle n'effaceraient rien de son angoisse présente. Il ne l'aimait donc pas. Mais alors, pourquoi ce cruel battement du cœur à la seule idée de l'action où le désespoir l'avait entraîné ? Pourquoi cette anxiété continuelle qui le faisait s'arrêter, les mains tremblantes, devant les lettres de Chazelle, avant de les ouvrir, comme s'il allait y lire l'annonce de quelque aventure nouvelle, enfin découverte par ce malheureux homme ? Pourquoi ne pouvait-il ni prendre un livre, ni s'asseoir à table, ni sortir, ni entrer, sans que le spectre de cette femme fût auprès de lui ? Il ne l'avait pas tuée pourtant, il n'avait pas versé ce sang avec ses mains. Pourquoi cet infatigable retour vers leur relation commune, avec cette réflexion éternelle, pour fond désespéré, si j'avais su ? S'il avait su le prix de ce qu'elle lui donnait quand elle le lui donnait, s'il avait senti comme il sentait, à l'époque où elle venait s'abattre si tendrement, si sincèrement, sur son cœur. S'il avait eu dans le cœur, pour elle, ce qu'il y avait maintenant, alors il l'aurait aimé, il l'aurait aimé. Cette impuissance de parvenir à l'émotion pleine, le martyr de l'égoïsme dont il avait été la victime, ses sécheresses, ses rancœurs stériles, son rongement d'esprit dans la solitude et la détresse, toutes ses misères morales auraient pris fin. S'il avait eu le cœur plus simple, s'il avait compris, s'il avait cru, il croyait en elle maintenant, et c'était trop tard. Il la comprenait quand elle avait cessé d'être pure. Il l'aimait quand elle avait subi la souillure des caresses d'un autre. Il découvrait qu'il avait passé à côté du bonheur, quand le palais enchanté qu'il avait traversé sans le voir l'eût fermé pour toujours. Il se prenait à la chérir, comme une morte à laquelle il ne pourrait plus jamais parler. Mais une morte demeure à l'abri des souillures, et Hélène, tous les parfums de l'Arabie, se répétait-il en se frottant la main comme la reine sanglante. Le poids était de nouveau sur son cœur. Comment jamais l'ôter ? Si cependant ce remords n'était qu'un mirage nourri par l'absence ? Quand les enfants ont peur d'une forme vague dans la nuit, quel remède emploie leur père ? Il les mène à l'objet de leur épouvante, et de toucher cet objet guérit cette panique. S'il essayait lui aussi de ce remède ? S'il revoyait Hélène et mesurait de ses yeux le mal qu'il lui avait fait. « Il n'y a plus que ce procédé à tenter », se dit-il un jour, et il se décide brusquement à regagner Paris. Il avait passé plus de 6 semaines à se manger ainsi le cœur.